Section 16. De Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre dernier. Nuit chez les sauvages de l'Amérique. C'est un sentiment naturel aux malheureux de chercher à rappeler les illusions du bonheur par le souvenir de leurs plaisirs passés. Lorsque j'éprouve l'ennui d'être, que je me sens le cœur flétri par le commerce des hommes, je détourne involontairement la tête et je jette en arrière un œil de regret. Méditations enchantées, charmes secrets et ineffables d'une âme jouissante d'elle-même, c'est au sein des immenses déserts de l'Amérique que je vous ai goûtés à longs traits. On se vante d'aimer la liberté et presque personne n'en a une juste idée. Lorsque dans mes voyages, parmi les nations indiennes du Canada, je quittais les habitations européennes et me trouvais pour la première fois seul au milieu d'un océan de forêts, ayant pour ainsi dire la nature entière prosternée à mes pieds, une étrange révolution s'opéra dans mon intérieur. Dans l'espèce de délire qui me saisit, je ne suivais aucune route. J'allais d'arbre en arbre, à droite et à gauche, indifféremment, me disant en moi-même, « Ici, plus de chemin à suivre, plus de villes, plus d'étroites maisons, plus de présidents, de républiques, de rois, surtout plus de lois et plus d'hommes. Des hommes, si. Quelques bons sauvages qui ne s'embarrassent de moi, ni moi d'eux, qui, comme moi encore, errent libres où la pensée les mène, mangent quand ils veulent, dorment où et quand il leur plaît. Et pour essayer, si j'étais enfin rétabli dans mes droits originels, je me livrais à 1000 actes de volonté qui faisait enrager le grand Hollandais qui me servait de guide et qui, dans son âme, me croyait fou. Délivré du joug tyrannique de la société, je compris alors les charmes de cette indépendance de la nature, qui surpasse de bien loin tous les plaisirs dont l'homme civil peut avoir d'idées. Je compris pourquoi pas un sauvage ne s'est fait européen, et pourquoi plusieurs Européens se sont faits sauvages. Pourquoi le sublime discours sur l'inégalité des conditions est si peu entendu de la plupart de nos philosophes. Il est incroyable combien les nations et leurs institutions les plus vantées paraissent petites et diminuées à mes regards. Il me semblait que je voyais les royaumes de la terre avec une lunette invertie, ou plutôt moi-même agrandi et exalté, je contemplais d'un œil de géant le reste de ma race dégénérée. Vous qui voulez écrire des hommes, transportez-vous dans les déserts, redevenez un instant enfant de la nature, alors et seulement alors, prenez la plume. Parmi les innombrables jouissances que j'éprouvais dans ces voyages, une surtout a fait une vive impression sur mon cœur. J'allais alors voir la fameuse cataracte du Niagara et j'avais pris ma route à travers les nations indiennes qui habitent les déserts de l'ouest des plantations américaines. Mes guides étaient le soleil, une boussole de poche et le Hollandais dont j'ai déjà parlé. Celui-ci entendait parfaitement 5 dialectes de la langue huronne. Notre équipage consistait en 2 chevaux, auxquels nous attachions le soir une sonnette au cou et les lâchions ensuite dans la forêt. Je craignais d'abord un peu de les perdre, mais mon guide me rassura en me faisant remarquer que, par un instinct admirable, ces bons animaux ne s'écartaient jamais hors de la vue de notre feu. Un soir que, par approximation, ne nous estimant plus qu'à environ 8 à 9 lieues de la cataracte, nous nous préparions à descendre de cheval avant le coucher du soleil pour bâtir notre hutte et allumer notre bûcher de nuit à la manière indienne, nous aperçûmes dans le bois les feux de quelques sauvages qui étaient campés un peu plus bas, au bord du même ruisseau où nous nous trouvions. Nous allâmes à eux, le Hollandais leur ayant demandé par mon ordre la permission de passer la nuit avec eux, ce qui fut accordé sur le champ, nous nous mîmes alors à l'ouvrage avec nos hôtes. Après avoir coupé des branches, planté des jalons, arraché des écorces pour couvrir notre palais et rempli quelques autres travaux publics, chacun de nous vaqua à ses affaires particulières. J'apportai ma selle, qui me servit de fidèle oreiller durant tout le voyage. Le guide pansa mes chevaux, et quant à son appareil de nuit, comme il n'était pas si délicat que moi, il se servait ordinairement de quelques tronçons d'arbres secs. L'ouvrage étant fini, nous nous assîmes tous en rond, les jambes croisées à la manière des tailleurs, autour d'un feu immense, afin de rôtir nos quenouilles de maïs et de préparer le souper. J'avais encore un flacon d'eau-de-vie qui ne servit pas peu à égayer nos sauvages, eux se trouvaient avoir des jambons d'oursin et nous commençâmes un festin royal. La famille était composée de 2 femmes avec 2 petits-enfants à la mamelle et de 3 guerriers. 2 d'entre eux pouvaient avoir de 40 à 50 ans, quoiqu'ils parussent beaucoup plus vieux. 3e était un jeune homme. La conversation devint bientôt générale, c'est-à-dire par quelques mots entrecoupés de notre part et beaucoup de gestes, langage expressif que ces nations entendent à merveille et que j'avais appris parmi elles. Le jeune homme seul gardait un silence obstiné. Il tenait constamment les yeux attachés sur moi. Malgré les raies noires, rouges, bleues, les oreilles découpées, la perle pendante au nez, dont il était défiguré, on distinguait aisément la noblesse et la sensibilité qui animaient son visage. Combien je lui savais gré de ne pas m'aimer. Il semblait lire dans son cœur l'histoire de tous les maux dont les Européens ont accablé sa patrie. Les 2 petits-enfants, tout nus, s'étaient endormis à nos pieds devant le feu. Les femmes les prirent doucement dans leurs bras et les couchèrent sur des peaux avec ces soins de mère si délicieux à voir chez ces prétendus sauvages. La conversation mourut ensuite par degrés et chacun s'endormit dans la place où il se trouvait. Moi seul, je ne pus fermer l'œil. Entendant de toutes parts les aspirations profondes de mes hôtes, je levai la tête et, m'appuyant sur le coude, contemplai, à la lueur rougeâtre du feu mourant, les Indiens étendus autour de moi et plongés dans le sommeil. J'avoue que j'eus peine à retenir mes larmes. Bon jeune homme, que ton repos me parut touchant. Toi, qui semblais si sensible aux maux de ta patrie, tu étais trop grand, trop supérieur pour te défier de l'étranger. Européens, quelle leçon pour nous! Ces mêmes sauvages que nous avons poursuivis avec le fer et la flamme, à qui notre avarice ne laisserait pas même une pelletée de terre pour couvrir leurs cadavres, dans tout cet univers, jadis leur vaste patrimoine, ces mêmes sauvages, recevant leur ennemi sous leurs huttes hospitalières, partageant avec lui leur misérable repas, leur couche infréquentée du remords, et dormant auprès de lui du sommeil profond du juste. Ces vertus-là sont autant au-dessus de nos vertus conventionnelles que l'âme de ces hommes de la nature est au-dessus de celle de l'homme de la société. Il faisait clair de lune. Échauffé de mes idées, je me levai et fus m'asseoir à quelque distance sur une racine qui traçait au bord du ruisseau. C'était une de ces nuits américaines que le pinceau des hommes ne rendra jamais et dont je me suis rappelé 100 fois le souvenir avec délices. La lune était au plus haut point du ciel. On voyait, çà et là, dans de grands intervalles épurés, scintiller 1000 étoiles. Tantôt, la lune reposait sur un groupe de nuages qui ressemblait à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Peu à peu, ses nues s'allongeaient, se déroulaient en zones diaphanes et onduleuses de satin blanc, ou se transformaient en légers flocons d'écume, en innombrables troupeaux errants dans les plaines bleues du firmament. Une autre fois, la voûte aérienne paraissait changer en une grève où l'on distinguait les couches horizontales, les rides parallèles tracées comme par le flux et le reflux réguliers de la mer. Une bouffée de vent venait encore déchirer le voile et partout se formaient dans les cieux de grands bancs d'une ouate éblouissante de blancheur, si doux à l'œil qu'on croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Le jour céruléen et velouté de la lune flottait silencieusement sur la cime des forêts et, descendant dans les intervalles des arbres, poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. Les 3 ruisseaux qui coulaient à mes pieds, s'enfonçant tour à tour sous des fourrés de chênes saules et d'arbres à sucre et reparaissant un peu plus loin dans les clairières tout brillants de constellations de la nuit, ressemblait à un ruban de moire et d'azur semé de crachats de diamants et coupé transversalement de bandes noires. De l'autre côté de la rivière, dans une vaste prairie naturelle, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons où elle était étendue comme des toiles. Des bouleaux dispersés çà et là dans la savane, tantôt, selon le caprice des brises, se confondaient avec le sol en s'enveloppant de gaz pâle, tantôt se détachaient des fonds de craie en se couvrant d'obscurité et formant comme des îles d'ombre flottantes sur une mer immobile de lumière. Auprès, tout était silence et repos, hors la chute de quelques feuilles, le passage brusque d'un vent subit, les gémissements rares et interrompus de la hulotte, mais, au loin, par intervalles, on entendait les roulements solennels de la cataracte du Niagara qui, dans le calme de la nuit, se prolongeait de désert en désert et expirait à travers les forêts solitaires. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Au milieu de nos champs cultivés, en vain l'imagination cherche à s'étendre, elle rencontre, de toutes parts, les habitations des hommes. Mais dans ces pays déserts, l'âme se plaît à s'enfoncer, à se perdre dans un océan d'éternelles forêts. Elle aime à errer, à la clarté des étoiles, au bord des lacs immenses, à planer sur le gouffre mugissant des terribles cataractes, à tomber avec la masse des ondes, et pour ainsi dire, à se mêler, à se fondre, avec toute une nature sauvage et sublime. Ces jouissances sont trop poignantes. Telle est notre faiblesse, que les plaisirs exquis deviennent des douleurs, comme si la nature avait peur que nous oubliassions que nous sommes hommes. Absorbé dans mon existence, ou plutôt répandu tout entier hors de moi, n'ayant ni sentiment ni pensée distincte, mais un ineffable je ne sais quoi qui ressemblait à ce bonheur mental dont on prétend que nous jouirons dans l'autre vie, je fus tout à coup rappelé à celle-ci. Je me sentis mal, et je vis qu'il fallait finir, je retournai à notre ajoupa, où, me couchant auprès des sauvages, je tombai bientôt dans un profond sommeil. Le lendemain, à mon réveil, j'aperçus la troupe déjà prête pour le départ. Mon guide avait sellé les chevaux, les guerriers étaient armés, et les femmes s'occupaient à rassembler les bagages, consistant en peaux, en maïs, en ours fumés. Je me levai, et tirant de mon porte-manteau un peu de poudre et de balles, du tabac et une boîte de gros rouge, je distribuai ces présents parmi nos hôtes, qui parurent bien contents de ma générosité. Nous nous séparâmes ensuite, non sans des marques d'attendrissement et de regret, touchant nos fronts et notre poitrine à la manière de ces hommes de la nature, ce qui me paraissait bien valoir nos cérémonies. Jusqu'au jeune Indien qui prit cordialement la main que je lui tendais, nous nous quittâmes tous le cœur plein les uns des autres. Nos amis prirent la route au nord en se dirigeant par les mousses, et nous à l'ouest par ma boussole. Les guerriers partirent devant, poussant le cri de marche. Les femmes cheminaient derrière, chargées des bagages et des petits-enfants qui, suspendus dans des fourrures aux épaules de leur mère, se détournaient en souriant pour nous regarder. Je suivis longtemps des yeux cette marche touchante et maternelle jusqu'à ce que la troupe entière eût disparu lentement entre les arbres de la forêt. Bienfaisant sauvage, vous qui m'avez donné l'hospitalité, vous que je ne reverrai sans doute jamais, qu'il me soit permis de vous payer ici un tribut de reconnaissance. Puissiez-vous jouir longtemps de votre précieuse indépendance, dans vos belles solitudes où mes vœux, pour votre bonheur, ne cessent de vous suivre. Inséparables amis, dans quel coin de vos immenses déserts habitez-vous à présent? Êtes-vous toujours ensemble, toujours heureux? Parlez-vous quelquefois de l'étranger de la forêt? Vous dépeignez-vous les lieux qu'il habite? Faites-vous des souhaits pour son bonheur au bord de vos fleuves solitaires? Généreuse famille, son sort est bien changé depuis la nuit qu'il passa avec vous. Mais du moins est-ce une consolation pour lui si, tandis qu'il existe, au-delà des mers, persécuté des hommes de son pays, son nom, à l'autre bout de l'univers, au fond de quelque solitude ignorée, est encore prononcé avec attendrissement par de pauvres Indiens. Fin de la section 16.